Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Et aujourd'hui, que samedi ? Eh bien, c'est très, très sympa de votre part de nous écouter en ce jour de fête sur Radio Fadjet. 40 ans que cette station existe, donc 40 ans, 40 heures d'émission en direct. Et aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir d'accueillir l'une des émissions phares de notre station. C'est la boîte à BO, présentée par Francine et Jérôme. Bonjour Francine et Jérôme. Bonjour. Bonjour Thierry. Et donc, ça passe le mardi, c'est bien ça, de 17h30 à 18h. Voilà, une demi-heure pour écouter de belles bandes originales de film. Voilà, donc le contenu de cette émission, c'est de la musique de film, on va le rappeler. Depuis quand elle existe, cette émission? Eh bien, Jérôme, ça fait à peu près 4 ans que nous sommes, 4 saisons que nous sommes sur les ondes de Radio Fadjet. Oui, et donc toi, quel genre de cinéphile tu es alors? Ben moi, j'aime tout type de cinéma. Je peux aller voir effectivement des films d'art et essai, comme des films effectivement plutôt commerciaux. Ouais. Donc j'aime toute cette musique. En fait, la musique de film, ça m'intéresse. Je suis intéressé par cette musique depuis adolescent. Ouais. Donc là, régulièrement, j'achetais effectivement des CD, des vinyles à l'époque. Ça évolue tellement vite. Et donc voilà, j'ai voulu donc transmettre cette passion à travers cette émission, donc la boîte à BO, surtout qu'il n'y avait pas d'émission sur les musiques de films à Radio Fadjet. Oui, et puis c'est très divers la musique de film, voilà, quand même. Voilà, très divers. Et Francine, donc... Eh bien, moi j'ai suivi Jérôme, hein, parce que c'est vrai que c'est Jérôme qui m'a proposé de participer à cette émission et j'ai découvert beaucoup de choses. C'est vrai que bon, j'aime beaucoup aller au cinéma, je regarde aussi beaucoup de... Maintenant on a la possibilité d'avoir beaucoup de films en direct sur des plateformes. Et en fait ce qui nous, au début on faisait des émissions avec des thèmes et puis avec des thèmes avec par exemple une BO coup de cœur, une BO sentimentale, etc. Et maintenant on s'oriente peut-être un peu plus facilement sur par exemple toutes des BO jazz ou toutes des BO classiques. Ah, on a fait ça aussi. C'est, et c'est vrai que ça permet de découvrir beaucoup de choses. BO film d'aventure, une spéciale film d'aventure, voilà. De guerre, etc. On va écouter votre premier choix puisque vous avez établi la programmation musicale de l'émission et on va commencer par un choix de Jérôme qui veut nous faire écouter un extrait de la bande originale de Jean de Florette. Eh oui, Jean de Florette, 1986, presque l'âge de Radio Fadjet. Eh oui. C'est incroyable. Hein, donc, moi, c'est un de mes films coup de cœur avec Daniel Auteuil et Yves Montand pour ce film. Et puis moi, je me replonge 40 ans en arrière quand j'ai pris mon vélo pour aller voir ce film à Épinal, parce que je suis vosgien, j'habite dans un petit village à 40 km d'Épinal. Et bien, j'ai pris mon vélo pour aller voir Jean de Florette. Et une musique de Jean-Claude Petit et d'après La Force du Destin. Voilà, de justement. Donc, La Force du Destin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur... La Force du Destin, c'est un opéra donc, qui a été créé à Saint-Pétersbourg, non pas en Italie. Et c'est comme toujours chez Verdi, des histoires de rivalité amoureuse. Et ça se termine évidemment de manière très sanglante. Mais ça, c'est le propre, la caractéristique des opéras de Verdi. À part quelques-uns comme Falstaff, évidemment. Allez, on va écouter un extrait de cette bande originale de Jean de Florette, Le Choix de Jérôme. Thank you. un extrait de la bande originale de Jean de Florette, musique de Jean-Claude Petit, très très très inspirée de Verdi. On va dire que c'est quasiment un plagiat, mais enfin bon, quand il y a les crédits sur la pochette du disque au générique du film, on va dire que c'est quand même pas trop grave, quoi. Oui, bien sûr. Donc c'est le choix de Jérôme qui nous présente l'émission La Boîte à BO sur Fadjet le mardi de 17h30 à 18h et qui est mon invité aujourd'hui avec Francine. Francine qui est sa copilote en quelque sorte ou sa collègue pour cette émission. Et Francine, vous avez eu envie aussi de nous faire écouter un extrait de la musique d'un film, La vie est belle. Oui, La vie est belle parce que c'est vraiment un film qui me touche énormément. Donc film de Roberto Benigni sorti en 1997. Donc, pour l'histoire, tout le monde la connaît, je pense, hein, un jeune Italien juif plein de gaieté qui rêve d'ouvrir une librairie. Il tombe amoureux de Dora et il se rendra le soir même à l'opéra et où on joue quoi ? Ben, les contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Et donc, Guido a pris des places depuis le parterre, il ne la quitte pas des yeux. Il prie très fort pour que leurs regards se croisent et 5 ans plus tard, ils ont un fils, Josué. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et en tant que juif, Guido et son fils sont déportés vers un camp de concentration. Et par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène au camp. Et comme dans les contes d'Hoffmann, d'Offenbach, la barcarolle annonce aussi la tournure dramatique que la vie appelle prendra bientôt. La vie aurait pu être belle si Josué n'avait pas porté une étoile jaune pendant la Seconde Guerre mondiale et si sa famille tout entière n'avait pas été conduite dans un camp d'extermination. Et là-bas, Guido, c'est ça qui est extraordinaire dans ce film, il fait croire à son fils que tout cela n'est qu'un jeu. Et un soir, il prend le risque, et cette scène, elle est vraiment fabuleuse, de diffuser la barcarolle dans le camp de concentration où ils sont enfermés. Donc, bon, c'est un sujet étonnant parce que, effectivement, réaliser un film mi-comique, mi-mélancolique sur un tel sujet, il fallait oser. C'est incroyable. Et il n'y a aucune vulgarité, aucune scène qui prête à la controverse. Ouais. C'est assez étonnant. Hein. Tout à fait, oui. Et donc, dans la nuit, le brouillard, la caméra filme Dora en gros plan, le même que celui de la scène de l'opéra, à ceci près que Dora pleure et qu'elle porte une tenue de prisonnière. Bien. Donc, on peut écouter tout de suite. On va écouter donc cet extrait des contes d'Hoffmann, utilisé par Roberto Benigni dans son film La vie est belle, le choix de Francine. Thank you. Ben on reste complètement dans la thématique de l'émission classique, discothèque classique, Jacques Offenbach, la Barcarolle, le duo des contes d'Hoffmann. C'est le choix de Francine et Jérôme, mes invités, qui présentent la boîte à BO sur Fadjet le mardi de 17h30 à 18h, la musique du film La vie est belle de Roberto Benigni. Bon, c'est à Jérôme de nous parler d'un film et d'une musique maintenant, et de sa musique. Alors Jérôme, à toi. Alors on vient d'écouter effectivement deux musiques de films qui sont inspirées de compositeurs de musique classique. On va maintenant évoquer un film avec une musique qui est devenue aujourd'hui un classique donc de la bande originale. C'est Cinéma Paradiso, hein, donc un film de Giuseppe Tintoret avec Philippe Noiret, avec une musique qui est composée par Ennio Morricone, qui a su traduire donc les émotions profondes du film, notamment la nostalgie et l'amour pour le cinéma. Et comme beaucoup, je pense que vous avez été bouleversé par la séquence finale où le personnage de Salvatore visionne une compilation de scènes coupées, et cette séquence est particulièrement émouvante grâce justement à cette mélodie donc poignante d'Ennio Morricone que je vous propose donc d'écouter, Cinéma Paradiso. Ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que la musique est plus connue que le film maintenant. Ah, le film a eu quand même un beau succès, ouais, mais c'est vrai que la musique, effectivement, c'est d'un classique. Quand on parle de Cinéma Paradiso, moi, la musique tout de suite, bon, je suis un peu branché là-dessus, mais enfin quand même. C'est vrai qu'Ennio Morricone, alors, il dirigeait des orchestres symphoniques, et aujourd'hui, de nombreux orchestres classiques dirigent des suites d'orchestres constitué des différents morceaux des musiques de films d'Ennio Morricone, mais pas que lui, Vladimir Cosma et d'autres. Bien sûr. Michel Legrand. Allez, on va écouter cette musique Cinéma Paradiso, le choix de Jérôme. Ben on discute hors micro, puis en écoutant la musique, on était pris par la musique, on a été surpris qu'elle soit finie. Donc c'était Cinéma Paradiso d'Ennio Morricone, le choix de Jérôme. On va écouter maintenant une musique que Francine a sélectionnée pour nous, et tu as eu envie d'écouter un peu de la musique de Vangelis. Oui, tout à fait, avec le film Les Chariots de Feu. Donc c'est un film britannique qui a été réalisé par Hugh Hudson et qui est sorti en 1981. Donc, bon, pour l'histoire, ce film, il est situé dans les années 20. Il retrace l'histoire de deux athlètes britanniques qui sont prédisposés pour la course à pied, qui se servent de leurs dons, l'un pour combattre les préjugés xénophobes et l'autre pour affirmer sa foi religieuse. Et donc, à l'origine, Hugh Hudson, le réalisateur du film, il avait choisi pour thème principal le morceau « L'enfant », présent sur l'album « Opéra sauvage ». Et au moment du montage du film, Vangelis, qui pense qu'il a la possibilité de faire une musique mieux adaptée, propose un nouveau thème, donc, qu'il a composé spécialement. Il le soumet au réalisateur, mais ce dernier, habitué au premier thème de l'enfant, refuse dans un premier temps. Et face à l'insistance de Vangelis, et heureusement, il accepte finalement d'utiliser le nouveau thème, lequel devient un succès mondial puisqu'il est maintenant utilisé comme musique de fond pour la plupart des cérémonies de remise de médailles sportives en Angleterre. Eh oui, mais c'est vrai qu'on l'entend même aux Jeux Olympiques, je crois, ce thème de Vangelis. Oui, oui, tout à fait. Bon. Oui. Donc, il a reçu plusieurs Oscars, et notamment celui du meilleur film, mais bien sûr de la meilleure musique. Donc, on va écouter. Ah bah merci, Francine, d'avoir choisi Vangelis, Les chariots de feu, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté cette musique, qui est vrai, est utilisée dans le cadre sportif, oui. Mais qu'on n'entend guère à la radio. Bah, sur Radio Fadjet, on l'entend en tout cas. Et voilà. We'll be right back. Si vous aimez la musique de film, ce matin, vous êtes servi dans Discothèque Classique sur Fudget, puisque c'est une spéciale musique de film avec Francine et Jérôme. Les chariots de feu, ben, ça doit bien avoir l'âge de la radio, non? 40 ans? Oh, moi, hein, il faudrait qu'on refasse une petite recherche sur la date de sortie de ce film. Francine, est-ce que tu te souviens? 1981. Ah, quand même, bon, bah voilà, un peu plus vieux que notre radio. Jérôme, alors on passe à toi pour notre extrait musical. Oui, allez-y. Donc, tu as eu envie d'écouter le thème de la musique La Liste de Schindler de Steven Spielberg pour le film, musique de John Williams, évidemment. Bien sûr, on ne pouvait pas faire une émission dédiée à la musique de film sans évoquer John Williams. Et moi, j'ai un coup de cœur pour La Liste de Schindler, effectivement. Alors, John Williams a su traduire en musique les émotions intenses du film. Et moi, j'ai une préférence pour le thème principal interprété au violon par Itzhak Perlman, qui exprime effectivement la douleur et l'espoir des personnages. Et là, on va écouter une version signée Renaud Capuçon, ouais. Justement. Donc il le joue très bien aussi. Il faut savoir quand même que John Williams, lui, est vraiment un classique parce qu'il écrit des compositions de dites musique classique. Il dirige le Boston Pops Orchestra. Et d'ailleurs, le thème de La Liste de Schindler a tellement eu de succès qu'il l'a transformé en un concerto pour violon. Qui est beaucoup plus long que ce qu'on entend dans le film ou sur les disques où on trouve ce titre. Allez, on écoute. Et je voulais simplement préciser que John Williams, c'est 6 Oscars. Donc, il est toujours avec nous, 92 ans, je crois, il continue à composer des musiques de films. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et qui a composé en plus un concerto pour tuba. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas grand monde qui compose des concertos pour tuba. Mais lui, il l'a fait. Allez, on écoute tout de suite cette musique très célèbre, La Liste de Schindler, musique de John Williams, c'est interprété par Renaud Capuçon. Quelle musique, hein. C'est poignant. Magnifique. Et magnifique. Puis avec l'actualité qu'on a en ce moment, ça résonne encore plus dans l'émotion, parce qu'effectivement, cette musique qui évoque la Shoah, c'est terrible. Et donc, je crois que John Williams ne pouvait pas faire mieux. Hein. L'interprétation de Renaud Capuçon pour la liste de Schindler, musique de John Williams, le choix de Jérôme. Car oui, je suis en compagnie de Francine et Jérôme, et oui, qui présentent la boîte à BO tous les mardis de 17h30 à 18h. Donc je vous conseille d'écouter cette émission, de noter l'horaire. Et donc on va passer à Francine qui va nous présenter un titre qu'elle a eu envie de partager avec nous. Oui, tout à fait. Alors, c'est La valse d'Amélie, bien entendu, c'est le film Amélie Poulain. Donc, La valse d'Amélie, c'est une valse musette. Et l'auteur-compositeur, c'est Yann Tiersen, tout le monde le sait. Donc, et on retrouve évidemment ce morceau, La valse d'Amélie, dans le film de Jean-Pierre Jeunet, sorti donc en 2001, donc Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et donc, cette valse d'Amélie, on la retrouve dans différentes scènes du film. Et la version, elle varie en fonction de l'histoire et en fonction de l'état d'esprit dans lequel se trouve Amélie à tel ou tel moment du film. Ouais. Alors, il y a une version orchestre. Lorsqu'Amélie a trouvé une boîte à secrets cachée dans le mur de sa salle de bain, c'est au tout début du film, elle prend alors la décision de retrouver son propriétaire. Et donc, c'est bien sûr, cette boîte à secrets, vous savez, c'est une boîte de bergamote de Nancy. Et pourquoi c'est une boîte de bergamote de Nancy? C'est pas par hasard, c'est parce que Jean-Pierre Jeunet était élève au lycée Poincaré. Et donc, ça a été sa source d'inspiration. Donc, non loin de l'ancienne confiserie de Nancy, le lycée Poincaré, la confiserie Lefèvre-Lemoine. Et donc, la version que nous allons vous faire écouter, c'est la version piano. Et dans cette version, Amélie est triste. Elle a laissé partir Nino sans oser lui parler. Mmh. Et toute seule dans sa cuisine, elle pense à lui en pleurant. Donc, on vous propose d'écouter tout de suite cette version piano donc de la valse d'Amélie. C'est bien parce que pour l'instant, on n'avait eu que de l'orchestre. Alors, et des synthétiseurs, là, on passe au piano. Ouais. Donc, ça alterne un peu. Ça donne une autre esthétique musicale. Allez, on l'écoute tout de suite, cette valse. Thank you. Beaucoup d'émotions aussi, je trouve, dans cette petite valse de Amélie Poulain. Le choix de Francine, mon invité avec Jérôme, qui présente la boîte à BO sur Fadjet le mardi de 17h30 à 18h. Voilà, bah, c'est un très très bon choix. Bravo Francine. Bah, merci. On continue avec Jérôme. Il y a un autre compositeur, un grand compositeur, Bernard Herrmann. Ah, oui. Alors, moi j'ai fait mes choix en fonction de mes coups de cœur aussi en termes de cinéma, et Vertigo, Sueur froide, c'est mon film préféré. Alors, magnifique duo, James Stewart, Kim Novak. Comment ne pas résister à Kim Novak ? C'est vrai. Plantureuse. Alors, un film envoûtant et avec une tension dramatique, notamment justement grâce à la BO de Bernard Herrmann. Et donc, effectivement, on en discutait, cette BO, elle s'est inspirée notamment d'un opéra de Tristan et Isolde, n'est-ce pas, Thierry? Oui, le thème d'amour est une inspiration. C'est pas un plagiat, hein, mais c'est très inspiré. Oui, c'est ça qui est très bien fait. Ce n'est absolument pas un plagiat, mais on comprend bien sûr l'allusion directe à cet opéra de Richard Wagner. Et puis dans la scène de l'hacienda, d'ailleurs la scène finale, où se passe la scène finale, eh bien il y a aussi une allusion à Carmen, plus ou moins, parce qu'il y a une habanera. Bon, il y a des habaneras qui ne sont pas, il n'y a pas que dans Carmen qu'il y a des habaneras, mais enfin en l'occurrence, donc les références classiques de Bernard Herrmann, qui avait une solide formation classique, voilà, elles sont très présentes également dans ce film. Et puis c'était le compositeur préféré de Hitchcock. Donc de grandes musiques de films. Et moi je vous propose donc d'écouter justement le thème, Love Theme, donc de ce film Vertigo, Sueur froide. Et d'ailleurs, je peux me permettre aussi de dire un petit mot sur ma passion Bernard Herrmann. Je suis toujours fasciné par la musique de Psychose, où les violons, eh bien quelque part, imitent les coups de couteau, le bruit d'un coup de couteau. C'est assez étonnant quand même. Il fallait y penser, il fallait oser, et surtout le réaliser de façon aussi géniale. Bravo Bernard Herrmann. C'est toujours un crève-cœur de couper des musiques aussi belles. La musique du film Vertigo de Bernard Herrmann, film d'Alfred Hitchcock, le choix de mon invité Jérôme, qui est en compagnie de Francine, et qui nous présente donc leur programme musical autour de leur émission La Boîte à BO. Je le rappelle, hein, c'est le mardi de 17h30 à 18h. Mais il faut être fidèle, voilà. chaque mardi. Ensuite, on va écouter Michel Legrand, une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, c'est ça? C'est ça. Bon. Donc, en fait, là, on va écouter Les Moulins de mon cœur, dans l'affaire Thomas Crown. Cette musique, donc, on la retrouve dans l'affaire Thomas Crown, un film sorti en 68. Et donc, ce film, il gagne 2 nominations aux Oscars, dont celui de la meilleure bande originale, notamment avec la chanson de Michel Legrand, The Windmills of Your Mind, in English. Hein. Oula. Et donc, voilà, c'est une musique que j'apprécie beaucoup. Très populaire. Oui, très populaire. Mais bon, je vais être perfide. Oui, bah... Allons-y, je vais être perfide. Il a bien compris Mozart, notre Michel Legrand, qui par ailleurs était un très grand musicien. Mais bon, quand même, le thème de cette chanson ressemble étrangement au mouvement lent de la symphonie concertante Köchel 364 pour violon et alto. Ah, tout à fait, terrible. C'est ça. Oui. Mais voilà, bon, c'est quand même un grand musicien, il faut le rappeler, surtout dans le jazz, hein, puis même compositeur, parce que Les Demoiselles de Rochefort, Baudane, tout ça, cette musique est si bien faite. Ouais. Allez, on écoute tout de suite ce choix de Francine, Les Moulins de mon cœur, dans version instrumentale. Hein. Je peux chanter dessus si vous voulez. Mais... Ah bah oui, pourquoi pas. Non, allons-y. Non. Jolie interprétation pour violon et orchestre, hein. Les Moulins de mon cœur, thème du film L'affaire Thomas Crown, musique de Michel Legrand, le choix de Francine. Francine et Jérôme qui m'accompagnent ce matin pour cette émission consacrée à la musique du film, puisqu'ils enchantent les auditeurs de Fadjet tous les mardis avec leur émission La Boîte à BO. Et donc toi, je sais que tu vas te faire plaisir, mon petit Jérôme, parce que tu vas passer un compositeur que tu aimes particulièrement, c'est Francis Lai. Oui, Francis Lai, oui. Et que tu as rencontré. Et que j'ai rencontré il y a quelques années avec un festival. Il y avait un festival de musique de film à Pont-à-Mousson, et il avait été donc l'invité d'honneur. Et il y avait également Claude Lelouch qui était présent, parce que Francis Lai et Claude Lelouch, c'est un duo indissociable. Il a fait, Obélix, voilà, il a fait tous les films de Claude Lelouch, et Claude Lelouch c'est mon réalisateur préféré. Vous voyez, donc comme quoi. Ouais. Et donc Francis Lai, donc j'avais pu écouter effectivement ses musiques, et puis j'avais assisté à une masterclass entre Francis Lai et Claude Lelouch. D'accord. Donc c'était très très intéressant. Et alors donc ce film qu'on va cette musique de film, c'est Love Story. Alors, Love Story, pourquoi Love Story? Parce que là c'est l'Oscar de la meilleure musique de film en 1971 et qui a lancé la carrière de Francis Lai. Oui. Hein, qui avait déjà été connu avant avec Un homme et une femme. Et les Maybach et les Beatles. Voilà. Ça commence comme ça, je crois. Bon, allez, on va écouter. On va pleurer dans les chaumières, comme on dit avec Love Story. C'est pareil, c'est un thème magnifique. Un thème magnifique. On parlait de la liste de Schindler, celui-là. Il n'y a pas de mystère, des thèmes comme ça, forcément, ils s'imposent auprès du public. Ouais. Même si on ne regarde plus le film, parce qu'il date, on continue d'écouter la musique. On va bien faire. Thank you. Love Story, musique de Francis Lai, magnifique, arrangé comme un concerto pour piano. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais Francis Lai, on le disait hors micro, il était accordéoniste. Ah, également. Faut pas mépriser les accordéonistes. Et justement, je crois qu'il avait utilisé l'accordéon dans le film Itinéraire d'un enfant gâté, je crois, au tout départ. Une autre musique que j'adore également. Bien. Allez, on revient donc à notre programme. Et maintenant, voici Georges Delerue. Oui, à l'autre compositeur. Un grand classique, là un aussi. Un géant de la musique de film. Voilà, et avec une très très belle musique pour le film de Jean-Luc Godard, Le Mépris. C'est un de ses plus grands succès, avec le célèbre thème de Camille, qui est l'une de ses compositions les plus emblématiques, car cette mélodie, elle est interprétée principalement par des cordes, est à la fois répétitive et obsédante, et elle reflète la désintégration progressive de la relation entre les deux, les deux personnages, Paul et Camille. Brigitte Bardot, qui fait l'inventaire de son joli corps. Voilà, tout à fait. Et puis Michel Piccoli, voilà. Un très très très belle musique pour un très beau film, signé Godard, donc Le Mépris de Georges Delerue. Qu'on écoute avec le violon solo de Renaud Capuçon. Tout à fait. Là encore un grand thème, Jérôme. Ah bah tout à fait. Et donc Georges Delerue, Le Mépris. Ouais, musique comme tu le disais, de Delerue. Et film de Godard, qui a vraiment eu aussi qui a accordé toujours une grande importance à la musique pour ses films. Hein. Tout à fait. On a encore le temps d'écouter un titre, me semble-t-il. Ah ben, Vladimir Cosma. Vladimir Cosma. Voilà, on ne pouvait pas quand même non plus faire une émission spéciale musique de film sans évoquer Vladimir Cosma. Ouais. Le grand succès populaire. Mais il est étonnant, Vladimir Cosma. Ouais. Étonnant. Il compose des musiques amusantes et des musiques dans le style baroque. Je pense au feuilleton Richelieu. Il a fait, si on revoyait ce feuilleton magnifique, qui lui n'est pas daté, avec une musique baroque à trompette, mais qui vraiment n'est pas un plagiat, mais est vraiment dans le style baroque. Et puis beaucoup d'autres musiques de films. Et justement, le générique de notre émission La Boîte à BO, c'est le générique du film, c'est le film L'Animal de Claude Zidi, justement, signé Vladimir Cosma, qui n'est pas le film le plus connu, mais une belle BO. Et là, on vous propose de retrouver un grand classique d'Yves Robert, Le Grand Blond, avec une chaussure noire avec Pierre Richard. Et on va rappeler quand même, La Boîte à BO, c'est quand déjà? C'est bien sûr chaque mardi à 17h30 sur Radio Fadjet, votre radio préférée. incroyable, hein, parce que le violon remplace la flûte de Pan sans problème. On oublie la version originale avec la flûte de Pan. Tout à fait. Beau disque de Renaud Capuçon. Eh bien, merci Francine et Jérôme d'être venus merci partager. Merci pour ton invitation. Merci, on t'invitera prochainement donc à la mission de la boîte à BO. Ben, c'est gentil. Hein? Donc, pour cette émission, vous avez fait un programme remarquable. Merci. Très merci. Diversifié, avec des choses qu'on aimait réécouter, les chariots de feu, Love Story, etc. Et ça rentre tout à fait dans le cadre de cette émission. Merci aux auditeurs. Alors, vous restez à l'écoute parce que les 40 heures d'émission Fadjet, ça continue. Allez, je vous laisse avec la prochaine émission présentée par Yves.